Père Noël, Père Noël, moi ce que je veux devenir plus tard, eh ben c'est clodo. Père Noël, Père Noël, s'il te plaît, apporte-moi des beaux cadeaux. Ma maîtresse me dit, il faut pas mentir. Mais les politiques à la télé, ils font que mentir. Ils ont dit qu'ils allaient baisser le chômage. Mais mon papa, il a toujours pas de boulot. Et à Noël, j'aurai pas de vélo. Père Noël, Père Noël, moi ce que je veux devenir plus tard, eh ben c'est clodo. Père Noël, Père Noël, s'il te plaît, apporte-moi des beaux cadeaux. Moi je veux pas aller travailler, j'aurais trop peur de me faire virer. Mon papa il est très fort, mais il a beaucoup, beaucoup pleuré. Et moi j'aime pas beaucoup pleurer, alors je veux pas aller travailler. Père Noël, Père Noël, moi ce que je veux devenir plus tard, eh ben c'est clodo. Père Noël, Père Noël, s'il te plaît, apporte-moi des beaux cadeaux. Il y a des gens qui sont venus avant Noël. Ils ont emporté les meubles et la télé. Peut-être on en aura des nouveaux pour Noël. Mais mon papa, il a encore beaucoup pleuré et j'ai pas compris. Il m'a pas expliqué. Je lui ai dit de pas pleurer parce que Noël c'est demain. Père Noël, Père Noël, moi ce que je veux devenir plus tard, eh ben c'est clodo. Père Noël, Père Noël, s'il te plaît, apporte-moi des beaux cadeaux. Les gens dans la rue, ils ont l'air marrants. Ils demandent de l'argent à beaucoup de gens. Moi j'aimerais bien être avec eux. Je pourrais demander des sous pour mon papa et lui payer des très très bons nougats. Il aime beaucoup ça, mon bon papa. Devenir plus tard, eh ben c'est clodo. Père Noël, Père Noël, s'il te plaît, apporte-moi des beaux cadeaux. Père Noël.